franceinter.fr. Bonsoir. C'est une histoire rocambolesque, picaresque, tragico-comique que je vais vous raconter ce soir. Invraisemblable et pourtant vraie, celle de Catalina de Erauso, soldat courageux, duelliste hors pair, qui au début du XVIIe siècle avait quitté son Espagne natale pour tenter sa chance en Amérique. Mais ce soldat n'est pas tout à fait comme les autres, plus brutal, plus bagarreur, plus viril, dirait-on. Oui, mais en même temps son visage est si doux, si lisse, c'est que Catalina a un secret. Et l'océan n'a pas été de trop pour s'affranchir d'un passé encombrant, collant comme une vieille jupe de nonne. Des hommes travestis en femmes, il y en eut beaucoup dans l'histoire, comme ce soldat qui, pendant la Première Guerre mondiale, enfila les robes de sa femme et changea d'identité pour échapper à la boucherie des tranchées. De même, à toutes les époques, dans tous les milieux, des femmes s'habillèrent en hommes pour échapper au destin étroit de leur sexe. On peut imaginer la trouille, mais aussi le bonheur qu'a dû éprouver Catalina de Erauso, jeune nonne de 15 ans, une nuit de l'année 1600, en s'enfuyant de son couvent où elle était enfermée depuis l'âge de 5 ans. Que s'est-elle dit en envoyant promener sa triste robe de nonne pour enfiler un pantalon, des grandes bottes de matamor et un chapeau à plumes? Sans doute, je suis enfin libre et je pars en Amérique. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Hélène Soumet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de philosophie et l'auteur d'un livre sur les femmes qui, dans l'histoire, comme Catalina de Erauso, se sont travesties en hommes pour changer de vie, pour vivre la vie qu'elles désiraient, sans doute. Alors, ce livre s'appelle « Les travesties de l'histoire », portrait de ces femmes qui ont choisi de vivre en hommes pour rester libres, qui a été édité en 2014 chez First Edition. Avant d'entrer dans l'histoire très particulière de Catalina de Erauso, dans quelques minutes, j'aimerais, Hélène Soumet, que vous nous expliquiez qui est d'abord, peut-être c'est une question de philosophie, je ne sais pas, mais pourquoi ces histoires de travestissement, de changement de sexe sont toujours amusantes? Pourquoi elles nous plaisent autant? Alors elles nous plaisent parce que le travestissement nous fascine, parce que c'est une sorte de balancement entre le même et l'autre, un balancement entre le féminin et le masculin. C'est d'autant plus séduisant que le travestissement est un parcours initiatique. On part, comme dans tous les romans, d'une personne qui peu à peu découvre son identité. Mais là, c'est un peu plus compliqué, parce que l'identité qu'elle découvre, en se travestissant en homme, la trouble. Ça la bouleverse, et en fait, quelquefois, on peut s'épanouir quand on découvre que on est un être humain, tout simplement, peu importe si on est un homme ou une femme. Dans la littérature, le théâtre, l'opéra, bon, tout ça, c'est plein d'histoires de femmes qui se déguisent en hommes, d'hommes qui se déguisent en femmes, et puis tout se retrouve bien dans l'ordre établi. Mais dans la vraie vie, il y en eut aussi beaucoup des femmes qui se sont déguisées, travesties. Qui se sont travesties en hommes. Mais est-ce que toutes les motivations sont les mêmes dans celles que vous racontez dans votre livre notamment? Les motivations premières sont différentes, mais les motivations fondamentales, c'est de sortir de l'aliénation et de vouloir réaliser sa nature humaine, c'est-à-dire de voyager, de découvrir le monde, d'étudier, de travailler, de créer. Voilà, donc ces femmes, elles ont eu la force de se dire qu'elles étaient des êtres humains et qu'elles voulaient se réaliser et qu'elles ne voulaient pas s'enfermer dans la prison dans laquelle la société les enfermait. Dans votre livre, vous avez choisi plusieurs femmes à toutes les époques. Il y a évidemment les plus connues, il y a Jeanne d'Arc, qui a d'ailleurs été condamnée parce qu'elle était habillée en homme. Ça fait partie de ses condamnations. Enfin, oui, elle était condamnée à la prison à vie, mais comme elle avait repris les habits d'homme dans sa prison pour se protéger des assauts des autres hommes, eh bien, elle a été condamnée tout de suite. Le lendemain, on l'a brûlée. C'est une femme donc qui s'est battue, peut-être qu'elle n'aimait pas ça, mais en tout cas, elle s'est battue, les armes à la main. Les pirates Anne Bonny et Mary Read aussi, des sacrés personnages. Oui, des femmes qui ont montré justement que la femme n'était pas une gente de boiselle qui restait dans la maison. Elles ont vécu des vies aventureuses et ont montré parfois une cruauté supérieure à celle des hommes. Bon, Hélène Soumet, nous poursuivons dans une trentaine de minutes cette discussion sur les femmes travesties en hommes. Le temps d'écouter Catalina de Erauso, La nonne soldat, un texte de Jean-Philippe Noël, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. La réalisation est signée Benjamin Habitant. Le rôle de Catalina est joué par Julie Moulier. Miguel, c'est moi, tu me reconnais pas. Miguel, regarde-moi, je suis là. Miguel, tu me vois, Miguel, pourquoi tu... Calmez-vous, mon enfant, calmez-vous. Il délire, la fièvre. Maria, apportez-moi une bassine. Ce garçon est bouillant comme un encensoir après une messe d'enterrement. Père, pourquoi vous cachez-vous? Je vous vois, père. Je vous vois, père. Le malheureux, il appelle son père à présent. Je ne sais même pas qui il est, alors retrouver son père, on verra plus tard. Mais calmez-vous, mon enfant. On préviendra votre père quand vous aurez repris vos esprits. Et pour l'heure, ils sont encore plus impénétrables que le Saint-Esprit en personne. Non, pas le couvre, non. Pauvre enfant, il raconte vraiment n'importe quoi. Merci, Maria. Posez ça là. On va lui refaire son pansement. Non, mais ce... Non. Oh, mais c'est qu'il a de la force, le bougre. Aidez-moi à le tenir. À moi la garde. Il ferait mieux d'en appeler à Dieu. C'est bien. Il se calme un peu. Voyons cette plaie. Mais elle n'est pas trop vilaine. L'épée était bien affûtée et propre. C'est déjà ça. Ah, les chairs ne sont plus si mauvais. C'est bon signe. Maria, passez-moi le linge. Non, pas celui-ci, il est sale, voyons. L'autre, là, le propre. Et voilà. Laissons-le se reposer. Maria, fermez les rideaux. Quarante-huit heures auparavant, dans une nuit de l'année 1620, c'est le cliquetis des épées sous ses fenêtres qui a sans doute attiré l'attention de l'évêque de Guamanga. Pourtant, les duels n'étaient pas si rares dans cette cité coloniale de la Nouvelle-Espagne. Dans cet empire hispanique qui s'étend depuis les côtes californiennes jusqu'à celle du Chili, Guamanga est une ville de garnison, où les querelles entre soldats enivrés résonnent souvent à l'abri d'étroites ruelles. L'homme d'église aurait pu attendre qu'au petit matin, les gens du corregidor, le représentant du roi, ramassent les cadavres laissés par ces nuits de beuverie. Mais Don Fray Agustín de Carvajal, premier évêque des lieux, n'a pu se résigner à abandonner un jeune soldat dans son sang au pied de la maison de Dieu. Oh, ma tête, qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Ça fait mal. Le duel. Je me souviens. Je l'ai tué. Sûrement. Retour à la case départ, me revoilà en prison. À vouloir être libre, j'aurais passé ma vie derrière les barreaux. Je suis fatigué de tout ça. Faut que je dorme. Comme c'est bon, je n'ai jamais eu un lit aussi bon. C'est pas normal. Il n'y a pas de lit en prison. Encore moins de draps qui sentent la lavande. Où est-ce que je suis? Dans quel merdier je me suis encore fourré? Tant pis, j'essaye, on verra bien qui se trouve derrière la porte. Oh! Aux gens! Oh, et quelqu'un? Répondez! On arrive! On vient! Ah bah c'est pas trop tôt! Désolé de vous avoir laissé dans le noir. Vous étiez si faible. Je ne voulais pas que la lumière perturbe votre sommeil. Maria, les rideaux. Ce qui me perturbe, c'est plutôt de ne pas savoir qui me retient prisonnier. Oh, Votre Excellence, si j'avais su, je... Non, non. Permettez. Calmez-vous, mon enfant. Calmez-vous. Et surtout, restez couché. Même si vous avez retrouvé vos esprits, ce qui me comble de bonheur, vous n'êtes pas encore en état de vous lever. Maria, apportez de la soupe à notre jeune ami. Je suis certain qu'il a faim. 48 heures sans rien avaler. 48 heures ? Oui, 3 nuits que je vous ai ramassé dans la rue. Vos agresseurs vous auraient égorgé comme un chien. Tous des puceleurs de nourrices. Je vous dois la vie, donc. Vous la devez au Seigneur notre Dieu, mon garçon. Pourriez-vous me dire votre nom, que je fasse prévenir votre régiment ? Mon nom ? Ah oui, je m'appelle... Non, je... Vous êtes encore bien perturbé. Je dois y aller. Un office qui m'attend. Nous reprendrons cette conversation plus tard. La seule chose dont je suis certain est que vous êtes basque. Vous êtes basque. Votre accent. À plus tard. C'est sûr, je suis basque, mais est-ce que je remettrai un jour les pieds au pays? Ça, c'est moins sûr. Sous quel nom? Alonso Díaz Ramírez, Catalina de Rosso, Francisco Loyola ou qui d'autre? Et si j'y retournais, devrais-je affronter la colère de mon père? Est-il seulement en vie? Que me reprocherait-il? D'avoir fui une vie monacale, dissimulé mon identité, tué mon frère? Mon Dieu, que ma tête me tourne! Je voudrais que cela cesse. Je suis âgé, enfin suffisamment pour avoir la paix. Si je mets aujourd'hui un pied dehors, demain mon corps se balancera au gibet. C'est peut-être le moment d'être au moins au clair avec là-haut. Votre Excellence ! Je n'ai pas le temps de vous parler. J'héberge un meurtrier. Monsieur le corrigidor. J'héberge un blessé qui a trouvé refuge dans la maison de Dieu. Vous n'y est pas réfugié tout seul, vous êtes venu le chercher. Mais cette maison-là se fait égorger sous vos fenêtres, vous? Moi pas. Vous n'avez pas à se faire égorger, juste jeter en prison. Ce qui est sa place. Votre blessé est un criminel qui a échappé au gibet. La prison est le seul lieu où souvent rien doit dormir. Cet homme est pour l'instant trop faible pour bouger. J'ordonne que vous le remettiez aux autorités de la ville. Vous l'ordonnez? Mon Dieu, priez pour lui. Le corrigidor ne sait pas ce qu'il fait. Il ordonne. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas raisonnable. Mais est-ce plus raisonnable de soustraire à la justice cette crapule dont vous ne soupçonnez pas l'espèce? Votre protégé a assassiné un chevalier il y a 3 jours. Il l'avait cherché, ce cadavre pestiféré. Mais ce n'est pas la seule sale affaire à laquelle il est mêlé, croyez-moi. On l'accuse d'avoir défiguré une dame dans la ville de La Plata. Il a même été condamné au bannissement au Chili, où il se trouvait il y a peu encore. Voilà, Votre Excellence, l'homme qui se repose tranquillement sous votre toit. Il n'est pas sous mon toit, il est entre les mains de Dieu. Et j'ai confiance en la justice divine. Si Dieu l'a mené jusqu'ici, j'en suis certain, c'est qu'il le conduit sur les chemins de la rédemption. Respectons son choix. Allez, maintenant, monsieur le représentant de la loi, les hommes... J'ai un office à porter. Si cela continue, je vais manquer les lois divines, moi. Je suppose que vous avez entendu. Ce bescu ne manque pas de culot. Pour le chevalier, je ne nie pas. Je ne le regrette pas non plus. Il m'avait cherché au jeu, il m'a trouvé. Il n'a eu que ce qu'il méritait, et si c'était à refaire... Mon enfant... En revanche, je n'ai rien à voir avec cette dame, et j'ai été accusé à tort. À croire que l'on veut me faire porter tous les crimes de la terre. Ne dites pas ça. Si vous n'êtes pas coupable, on le prouvera. De cela ou d'autre chose, je suis de toute façon coupable de tant de choses. Là-dessus... Je dois bien dire que le corrigidor n'a pas complètement tort. Et... Parlez sans crainte. Vous croyez vraiment que si Dieu m'a conduit jusqu'à un homme aussi charitable que vous, c'est que... Je le pense, mon enfant. Êtes-vous prêt à soulager votre conscience? Bon. Alors c'est le moment de se mettre à table. Mais je vous préviens. La soupe va être dure à avaler. Parlez sans crainte, mon fils. Dieu vous écoute. Ça a commencé alors que j'étais un enfant. Je devrais dire une enfant. Une enfant ? Mon nom est Catalina de Erauso. Une femme, vous ? Oh, si vous m'interrompez tout le temps, je ne vais pas m'en sortir. Non, pardon, mon fils. Continuez. Alors, je préparais mon noviciat. Vous ? Une nonne ? Oh, bonté divine ! Ainsi a pu commencer la confession de Catalina de Erauso, celle qu'elle fit vers 1620 à l'évêque Augustin de Carvajal. Une trentaine d'années plus tôt, probablement en 1585, Catalina de Erauso était née dans une puissante famille biscayenne. L'Espagne était alors une des toutes premières puissances coloniales américaines. Mais la petite Catalina n'était pas destinée à profiter des richesses de ce vaste monde. Dernière fille d'une famille aristocratique qui comptait de nombreux enfants, elle avait été placée dès l'âge de 5 ans dans un monastère où une vie de nonne l'attendait. Mais à 15 ans, elle dérobait la clé du couvent et, à la faveur d'une nuit sans lune, se volatilisait dans la nature. En suis-je vraiment capable ? Des heures que je suis assis sur ce bout de mur à me le demander, des heures que je regarde tous ces gens qui s'affairent comme si toute leur vie dépendait de cet instant précis. À cheval, à pied, en chaise à porteur, ils vont, ils viennent. Ils s'interpellent, se saluent ou s'invectivent. Certains vendent, d'autres achètent, tous palabrent. Je regarde ces immenses navires et toutes ces marchandises qui sortent de leur ventre. Elles viennent d'Amérique, de l'autre bout du monde, d'un monde neuf. Je suis venu à Séville pour la cathédrale. Je rêvais de la voir. Au couvent, Sœur Teresa avait entendu dire que le bâtiment était si grand que l'on pouvait s'y promener tout un jour sans en faire le tour et finir par s'y perdre. Jamais je n'aurais cru que des murs puissent être si hauts, que des voûtes puissent toucher le ciel. Jamais je n'aurais cru que l'homme puisse faire de si grandes choses. Moi aussi, je veux toucher le ciel, faire plus grand, aller plus loin, encore plus loin. J'ai traversé l'Espagne habillée en homme et ça m'a plu. J'ai été employé comme page chez quelques grands d'Espagne et personne n'a deviné mon secret. Je me sens bien dans cette tenue, plus à ma place que je ne le fus jamais. Jamais plus je ne me laisserai enfermer. Je me sens fort et libre. Libre d'aller où j'ai envie. J'en suis capable. Alors comme ça, jeune homme, tu veux embaucher sur un de mes galions ? Oui, capitaine. T'as l'air bien jeune. J'ai 15 ans. T'en donnerais à peine 12. As-tu déjà navigué ? Jamais, capitaine, mais je suis prêt à apprendre. Et que sais-tu faire ? J'ai travaillé comme page dans plusieurs bonnes maisons. Au moins, tu sais passer le balai. Oui, capitaine. C'est un bon début. Tu sais que tu devras nettoyer le pont, raccommoder les voiles, écoper la cale et surtout pas oublier d'annoncer l'heure toutes les demi-heures. Tu peux faire ça ? Oui, capitaine. Je te trouve un peu freluqué, mais bon, on verra bien. De toute façon, j'ai pas le choix. L'un de mes moussaillons est passé à la baille. Allez, marché conclu. Ça te musclera un peu, ça fera de toi un homme. Nous appareillons demain à l'aube pour Carthagène des Indes. Je suppose que tu n'as jamais entendu parler de Carthagène des Indes. Carthagène des Indes, et en Nouvelle-Espagne, loin, très loin d'ici, de l'Espagne, de l'autre côté de l'océan. C'est bien, c'est cela. C'est bien la première fois que je croise un gamin de ton espèce qui sait où se trouve Carthagène. Je sais aussi compter, écrire, et je parle latin. Latin, rien que cela. Qu'est-ce que tu as à vouloir devenir moussaillon ? Tu pourrais facilement trouver un meilleur emploi. Pourquoi tu veux t'embarquer ? Que j'ai envie de voir du pays. Alors tu vas être servi, crois-moi. Quel est ton nom ? Francisco Loyola. Bienvenue à bord, Francisco Loyola. Et surtout, évite de tomber à la mer. Je sais nager, capitaine. Tu seras bien le seul sur le rafio. Arrivé à Carthagène des Indes, Catalina, qui durant la traversée a été promue valet du capitaine, choisit de déserter pour ne pas retourner en Europe. Après avoir volé une certaine somme d'argent à son capitaine, dont elle a découvert qu'il était un oncle par alliance, elle s'embarque sur un autre navire en partance pour Panama. Panama est alors le carrefour de tous les commerces de la Nouvelle-Espagne, une ville grouillante où se mêlent les odeurs d'ananas, d'épices et de poissons, où l'ombre de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption abrite le négoce de tissus, de minerais plus ou moins rares et de vanneries indigènes. Là, des Européens, attirés par les promesses d'un Eldorado facile, côtoient des Indiens plus ou moins christianisés et des esclaves noirs employés à la construction d'une ville en pleine expansion. À peine débarquée, Catalina, alias Francisco Loyola, se fait engager par un riche marchand. Je tiens les registres, consigne les commandes, vérifie les cargaisons. Lorsqu'il s'absente, Juan de Urquiza m'installe dans sa boutique, me confie tout autant les marchandises que l'argent en compte. Plus de 130 000 pesos. Je m'y entends à merveille dans cet emploi. Mon maître, fort satisfait de mon ouvrage, me traite bien. Il me laisse 2 esclaves pour me servir, une négresse pour cuisiner et m'assigne 3 piastres pour la dépense de chaque jour. Que ces heures sont douces et joyeuses. Mais j'appartiens à la race des oiseaux qui ne peuvent rester longtemps sur une même branche. Le vent finit toujours par les en chasser. À la comédie, où je suis venu me distraire devant quelques spectacles, un homme se plante devant moi. Je lui demande de se décaler. Il refuse et menace de me couper la figure. Je ne l'ai pas belle, mais ne cherche pas à l'en dire. N'ayant pas d'armes et plein de rancœur, je quitte les lieux. L'homme réapparaît le lendemain devant la boutique. « Hola, seigneur. Qui me veut ?» répond l'agneau de garce. « La figure que vous vouliez couper. » Je le balafre et tue un ami qui se porte à son secours. Je suis jeté en prison et mis au fer. C'est la première fois. Mon enfant, que ne lui avez-vous laissé passer son chemin ? Ah non, ça je peux pas. Quand ça monte et faut que ça sorte, y a rien à faire. Ça me prend là, votre excellence, et tant que je n'ai pas agi, ça bouillonne, ça prend de plus en plus de place. Mais enfin, mon fils, pardon, ma fille, je m'y perds. Ne vous inquiétez pas, votre excellence, moi ça fait 30 ans que je m'y perds. Je sais pas trop comment vous dire ça, ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit à personne, même pas à moi, je crois bien. C'est comme si en moi il y avait 2 personnes qui s'affrontent. C'est comme si j'étais une fille à l'extérieur et un garçon en dedans. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je peux pas dire autrement. Je sais bien que mon corps est celui d'une femme, mais dans mon intérieur, je me sens comme un homme. Et ces deux-là, ils font jamais la paix. C'est pour ça que je suis impulsif. C'est que je suis une guerre à moi tout seul, parce que j'arrive pas à me mettre en une seule personne. Des fois, je me dis « vis comme une dame », mais mon côté garçon, il est plus fort, il veut pas se laisser enfermer dans des jupes, il veut batailler, chevaucher, boire. Alors je me dis que c'est comme ça que Dieu m'a fait, que c'est mon épreuve à moi sur cette terre. Ah, mon pauvre enfant, Dieu vous envoie une cruelle épreuve. Ses voies sont parfois bien impénétrables. Mais je suis certain qu'il souhaite que vous parveniez à faire la paix entre vous et l'autre. Enfin, surtout, que vous appreniez au moins à contrôler vos émotions. Qu'est-ce que vous voulez, ça, je ne peux pas. Moi, quand on me cherche, croyez-moi, on me trouve. Je ne suis pas toujours délicat, c'est vrai, mais je vais vous dire, c'est jamais moi qui commence. Tenez, c'est comme avec ce gamin. Un enfant ? Un sauvage. Oh ! Donc, je vous raconte. À peine mon lieutenant a-t-il enlevé son casque, que le petit monstre lui tire une flèche dans l'œil. Alors là, j'ai vu rouge, et ben, je peux vous dire que le gamin, il s'en souvient. Vous l'avez épargné ? Les morceaux qui restaient, ouais. Oh ! Suite à l'algarade avec l'homme qu'elle a balafré, un procès a lieu. Dans l'attente des délibérations des juges, Juan de Urquiza obtient la libération provisoire de Catalina. Le riche marchand lui conseille alors d'épouser une de ses influentes clientes, dont la nièce n'est autre que la femme de son agresseur. Une telle union permettra de trouver un accord à l'amiable et surtout évitera le bannissement de Catalina. Bien qu'elle reconnaisse à la dame en question certains atouts, Catalina refuse catégoriquement de convoler en juste noces et choisit de se rendre à Lima. La ville des rois est alors la capitale du vice-royaume du Pérou, la plus grande ville d'Amérique du Sud. Munie d'une lettre de recommandation, Catalina trouve rapidement un emploi chez un négociant. Vous avez de beaux cheveux, Francisco. J'aime bien les coiffer. Ils vous plaisent tant que cela ? Ils sont noirs et drus, comme la crinière d'un étalon fou. Est-ce là tout ce qui vous plaît chez votre fougueux étalon ? J'aime votre nez et votre bouche. En revanche, je ne vois poindre aucune barbe sur ce joli minois. C'est que la nature ne m'en a pas beaucoup doté. Tant mieux. Je ne goûte guère ce genre d'ornement et cela vous fait la peau si douce que l'on a envie de vous embrasser. Douce, comme la peau de votre cheville. Francisco, vous me chatouillez. Cela vous déplaît ? Je l'ai en colère. Alors, je peux continuer de caresser cette peau blanche? Vos doigts sont si agiles. Ils m'échappent le long de votre jambe. Mais retenez-les. Ah, trop tard, ils ont déjà gagné votre cuisse. Francisco, faites cesser leur course folle. Je vais leur chuchoter de ne pas trop se perdre. Il ne faudrait pas que mon beau-frère nous trouve ainsi. N'ayez crainte, mon maître a la tête plongée dans ses comptes. Je me demande bien où la vôtre va finir. Elle cueille le fruit de vos pensées. Alors elle sait que je vous aime. Moi aussi, Béatrice. Épousez-moi. Nous n'en sommes pas encore là, je crois. Francisco, je ne vous plais pas. Vous me plaisez beaucoup. Votre visage est si délicat, vos yeux. Vos yeux. Oh, là où les vôtres se portent, vous ne pouvez pas voir combien votre réponse attriste les miens. Ne soyez pas triste, je ne le supporterai pas. Alors épousez-moi. Voyons, Béatrice, votre famille vous destine à un plus beau parti que le mien. Je me moque du parti, c'est vous que j'aime. J'ai une dot. Il nous suffit de la récupérer et... Et mon maître nous surprit. Je fus remercié. Et une fois encore, je dus partir, fuir, m'envoler comme une plume emportée par les vents. Ainsi est ma condition, celle de ne jamais m'éterniser nulle part. Parfois, fatigué le soir sur ma couche, je me dis que pour que s'arrête cette fuite incessante, il faudrait vivre comme le veut ma véritable nature, qu'alors la vie serait plus douce. Je pourrais paraître devant mon père, embrasser ma mère et broder avec mes sœurs. Mais au petit matin, tous ces rêves de jouvencelle se dissipent comme rosée au soleil. Je sais que si mon corps appartient au beau sexe, quoique personne ne semble s'en douter, mon cœur, lui, est assurément celui d'un homme. Je ne veux ni minauder, ni me toiletter, ni souffrir toutes les peines de l'enfantement. Je ne me sens bien qu'habillé de haut de chausses et l'épée au fourreau, prêt à me battre pour défendre mon honneur. Je n'y peux rien. Je ne sais que taper du poing sur la table, jouer dans les tripots, regarder droit dans les yeux celui qui me défie, avec l'envie de lui planter un poignard au milieu du front. Vers 1607, Catalina a 22 ans. Et elle est de nouveau sur les routes. Recherchée dans plusieurs villes pour une dizaine d'homicides, obligée de laisser derrière elle les quelques personnes qui lui ont fait confiance, elle choisit la voie que suivent nombre de jeunes garçons désargentés. Elle s'engage dans l'armée. La Nouvelle-Espagne, qui tente alors de mater l'insurrection des Indiens Araucans, a besoin de bras vigoureux. Écoutez-moi bien. Demain, vous débarquerez à Concepción et vous serez affecté dans une garnison. Je vais passer devant chacun d'entre vous. Vous me donnerez votre nom et votre patrie. Le reste ne m'intéresse pas. Vous êtes venu ici pour vous battre? Vous allez être servi. Ici, les sauvages ne font pas de quartier. Alors, si vous voulez avoir une chance de ne pas finir transpercé de flèches ou découpé en morceaux, j'espère que vous savez vous servir d'un pistolet et d'une dague. Vous en aurez besoin, croyez-moi. N'oubliez pas, plus vous en tuerez, plus ils seront nombreux. Non, Patrick. Il passa en revue l'ensemble des hommes qui se trouvaient avant moi. Non, Patrick. Puis il se posta devant moi. Je ne suis même pas sûr qu'il me regarda vraiment. Non, Patrick. Alonso Díaz Ramírez, San Sebastián de Guipúzcoa. San Sebastián? San Sebastián de Guipúzcoa? En Pays Basque? Je n'en connais qu'un. Alors, tu es mon compatriote? Un compatriote? Quel bonheur! Tu connais la famille des Alaouso? Comment décrire le coup de massue que je pris en pleine face? Mes jambes se dérobèrent. Mon sang se figea. Mon cœur lâcha. Mon cerveau se brouilla. Toute la chaleur de mon corps se vida par les pieds. Je dus faire un effort surhumain pour ne pas m'effondrer. Mon interlocuteur ne remarqua rien tant il était à la joie de rencontrer un compatriote. Qui ne connaît pas l'une des plus illustres familles basques? Ce soldat, cet homme au visage avenant, éclairé par la joie de sa rencontre, cet homme, c'est mon frère. Mon frère, l'aîné de la famille. Je suis le Benjamin, une quinzaine d'années séparent nos deux existences. Il s'était engagé dans l'armée alors que je n'avais que 2 ou 3 ans. Il avait rejoint la Nouvelle-Espagne quand j'avais été condamné au couvent. Nous étions nés sous le même toit et destinés à ne jamais nous rencontrer. Il ne gardait aucun souvenir de moi, je n'en avais aucun de lui. Je suis Miguel de Arauzo. Ça fait si longtemps que je n'ai pas de nouvelles du pays. Viens à ma table, demain. Je ne sais pas si... Ah, vous croyez que... Je demanderai l'autorisation, gouverneur. Il me l'accordera. Comment m'as-tu dit te nommer ? Alonso Díaz Ramírez. Ce nom ne me dit rien. J'appartiens à une famille modeste, bien moins illustre que la vôtre, capitaine. Pourtant, tu dis connaître un peu ma famille. J'ai travaillé comme page chez Don Juan de Idiáquez. Le secrétaire du roi. Oui. Un grand ami de mon père. C'est là que je l'ai croisé plusieurs fois. Le cher homme. Et ma mère ? As-tu des nouvelles de ma mère ? Je ne l'ai vue qu'une fois, à l'office de San Sebastián. Je m'en souviens très bien. Elle était très attristée par la disparition de l'une de ses filles. Tu parles de la petite Catalina. Mon père me l'a écrit à l'époque. Cela fait bien 7 ou 8 ans maintenant. On ne l'a jamais revue, je crois. Elle semble s'être volatilisée. Comment connais-tu cette histoire ? Tout San Sebastián était au courant de la disparition de la petite. Et puis je vous l'ai dit, à l'époque je travaillais comme page chez le secrétaire du roi. Je me souviens que votre père est arrivé un jour très préoccupé. Il cherchait désespérément cet enfant. Alors tu en sais sûrement plus que moi. Si je me souviens, elle s'était enfuie peu de temps avant de prononcer ses vœux définitifs. D'après ce qu'il se disait, elle s'est colletée avec une nonne. Elle a ensuite dérobé les clés du couvent à la mère supérieure. Ma tante. La fillette a profité de la nuit pour s'enfuir. Et on ne l'a plus jamais revue. C'est tout ce que je sais. Je me suis embarqué quelques mois plus tard. Ils l'ont peut-être retrouvée depuis. Mon père me l'aurait écrit. Il a remué ciel et terre, croyez-moi. Certains prétendaient qu'elle avait été enlevée par des gitans, d'autres disaient que son cadavre avait été dévoré par les loups. Elle est peut-être allée tenter sa chance ailleurs. Toute seule. C'est impossible. Elle est entrée au couvent à 5 ans sans jamais en sortir. Elle ne connaissait que les prières et la vie de nonne. Quel âge pouvait-elle alors bien avoir ? Une 15aine d'années, je crois. 15 ans. Et elle se retrouve toute seule dehors, sans savoir où aller. Ni même comment se nourrir, s'habiller, sans rien connaître des hommes. On peut dire sans rien savoir de la vie. Comment veux-tu qu'elle ait survécu ? Un garçon, je ne dis pas. Une fille, une gamine. Vous la connaissiez ? Non. Je n'ai que le souvenir d'une enfant en bas âge, et encore, il y en a eu tant après moi que je les confonds un peu tous. Enfin, tout cela est loin maintenant. Alonso, veux-tu être de ma compagnie ? La garnison où tu dois te rendre est triste et insalubre. Je te sens proche de moi. Au fond, nous sommes tous frères, nous autres biscayens. Tu ne crois pas ? Si. Allez. Trinquons au pays. Eh ben, au pays. Au pays. Je suis resté 3 ans auprès de mon frère sans qu'il ne découvre ni mon sexe, ni mon identité. Et durant tout ce temps, il me traita en frère. Ce furent de joyeuses années, insouciantes. Partager ce temps avec lui, c'était se venger d'un passé qui avait fait de moi un orphelin, une orpheline volontaire. Je vécus à ses côtés sans autre souci que de partager son repas et l'accompagner partout. Parfois chez sa maîtresse. C'était une femme aux attitudes charmantes, au visage équilibré et au corps si bien proportionné que j'y retournais seul plusieurs fois. Mon frère la prit, il lui vint une rage folle. Il me frappa à coups de ceinturon et me renvoya. Je regagnai la compagnie à laquelle j'aurais dû être affecté 3 ans auparavant. Durant toutes les années passées dans la promiscuité de la vie militaire, dans l'intimité des champs de bataille, dans la familiarité d'une chambrée, comment Catalina de Arauzo dissimule-t-elle sa véritable nature ? Nul ne le sait. Elle-même n'y fait aucune allusion dans ses courts mémoires, laissant juste entendre qu'un onguent lui aurait permis de diminuer le galbe de sa poitrine. Il est possible qu'elle ait été parfois considérée comme un castrat. Mais son engagement dans les combats, son courage, son habileté à manier les armes, comme sa capacité à massacrer sans état d'âme hommes, femmes et enfants, font taire ceux qui lui trouveraient quelque chose de féminin et oseraient lui dire en face. Ses hauts faits de guerre, ses nombreuses blessures et son habileté à commander lui font obtenir le grade d'alférez, lieutenant dans l'armée hispanique. Mon enfant, n'avez-vous jamais revu Miguel, votre frère ? Mon frère ? Si, votre excellence. Une fois, mais... Vous ne voulez rien me dire de cette rencontre ? Je logeais alors à San Francisco, quand un ami cher, Juan da Silva, vint me trouver. Il avait eu des mots avec un certain Don Rojas, et il souhaitait que je le seconde dans un duel qui avait lieu la nuit même. Je commençais par refuser. Il me dit que l'autre serait accompagné, et qu'il devait l'être aussi, mais qu'il ne confierait sa vie qu'à moi. Je me souviens que l'obscurité était si profonde qu'on ne se voyait pas les mains. Arrivé sur place, le duel fut engagé. D'abord, seuls Juan et Don Rojas ferraillèrent. Je ne prêtais même pas attention à l'autre homme qui se tenait dans l'obscurité et dont je ne pouvais pas deviner les traits. Bientôt, je sentis que mon ami avait tâté de la pointe. Je me rangeai à son côté et l'autre auprès de Don Rojas. Nous tirâmes deux à deux. Peu après, Don Rojas et Don Juan tombèrent. Moi et mon adversaire, nous continuâmes à nous battre. Je lui ai entré le fer au niveau des côtes. Il tomba. Traître ! Tu m'as tué ! Cette voix... Qui es-tu ? Don Miguel de Rauso. Je crus mourir. Le seul être de ma famille que je connaissais, le seul frère que j'avais pu chérir et dont j'avais partagé la vie, je venais de la lui ôter. Cette vie faisait de moi le pire des assassins, fratricide. Moi qui étais devenu quelqu'un, un alférez reconnu et admiré, moi qui avais fait la paix avec ma nature, avec ce sexe qui ne m'avait jamais correspondu, de nouveau le sort me désignait. Il me fallait fuir. Mais où aller quand on ne fit plus les hommes mais soi-même ? Quel chemin prendre pour s'oublier à jamais ? Mon frère agonisa quelques jours. Il eut le temps de prononcer le nom de son meurtrier. Il avait reconnu le soldat qu'il avait aimé comme un frère. Voulez-vous faire une pause, mon enfant ? Vous reposer un peu ? Nous pouvons reprendre cette confession demain, si vous le souhaitez. Non, mon père, je veux aller jusqu'au bout. De toute façon, ce n'est plus très long. Depuis l'instant où le sang de mon frère a souillé mon âme, je n'ai fait qu'errer. J'ai failli mourir de faim, de soif et d'épuisement en traversant les Andes. J'ai été sauvé par une indienne qui voulait faire de moi le maître de sa maison. J'ai repris les armes contre les sauvages et je me suis battu contre des rebelles. J'ai été gardien d'un troupeau de plus de 1000 lamas. J'ai continué de fréquenter les tripots, de me battre en duel. J'ai été soumis à la question... Et j'ai échappé à la pendaison alors que j'avais déjà la corde au cou. À croire que ni le bon Dieu ni le diable ne veulent de moi à leur côté. Je n'ai jamais trouvé le bon chemin et moins encore le repos. J'en étais à peu près là de mon existence quand vous m'avez ramassé. À la fin de son récit et face à la perplexité de l'évêque, Catalina propose de se faire examiner par deux matrones qui iront jusqu'à garantir sa virginité. Il faut alors peu de temps au récit de la nonne soldat pour filtrer hors du secret du confessionnal et se répandre dans la colonie espagnole. L'ancienne dominicaine accepte de passer plusieurs mois dans différents couvents, non seulement pour se soustraire à la justice humaine, mais surtout pour se mettre à l'abri de sa soudaine célébrité, qui ne cesse de grandir tant en Amérique qu'en Espagne, où elle est de retour en 1624. À Madrid, elle est reçue par le roi Philippe IV, qui, au vu de sa brillante carrière militaire et de sa grande popularité, lui concède une rente annuelle de 800 écus. Puis, elle se rend à Rome. Je baisai les pieds de sa sainteté Urbain VIII et lui narrai brièvement, du mieux que je pus, ma vie, mes aventures et mon sexe. Sa sainteté parut trouver mon cas étrange et m'octroya très gracieusement licence de porter habit d'homme, me recommandant de continuer à vivre honnêtement, de m'abstenir d'offenser le prochain et de me garder d'enfreindre, sous peine de la vengeance de Dieu, son commandement de ne pas tuer. Là-dessus, je pris congé. Vers 1630, vêtue d'un costume masculin comme le pape l'y autorise, Catalina repart pour la Nouvelle-Espagne. Elle s'y éteint en 1650 à l'âge de 65 ans. Sur ses 20 dernières années d'existence, nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'elle fut un temps conducteur de mules, connu sous le nom d'Antonio de Herrauso. Elle avait en effet depuis longtemps renoncé à terminer son autobiographie, qui s'achève brutalement en 1626 sur le port de Naples. Si la nonne Alférez s'était résignée à ne plus se battre en duel, elle avait bel et bien conservé son caractère impétueux. Ainsi se terminent ses mémoires. Un jour à Naples, me promenant sur le môle, je remarquai les éclats de rire de deux donzelles qui parlaient avec deux beaux garçons en me regardant. Je les dévisageai. L'une d'elles me dit alors « Madame Catalina, où allez-vous comme ça ?»« Vous administrez sans claque sur le chignon, leur répondis-je, et sans coup d'épée aux malotrus qui oseraient vous défendre. » Elles se turent et quittèrent la place. Catalina de Herrauso, la nonne soldat, un texte de Jean-Philippe Noël, avec Julie Moulier, Catalina de Herrauso, Gérard Giroudon, l'évêque, Nicolas Struve, le corégidor, Sébastien Faglin, le capitaine, Claire de la Rue du Camp, Béatrice, Gwenda Langlade, Miguel de Herrauso, et les voix de Ayouba Ali et Justin Blanquert. Bruitage Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Sacha Trop. Assistant à la réalisation, Yaël Mandelbaum et Félix Levacher. Réalisation, Benjamin Habitant. Autant en emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. Dans quelques minutes, nous retrouvons Hélène Soumet pour parler de Catalina de Herrauso et des femmes travesties en hommes. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no, ya no te. Mañana te digo que el amor sea ahí. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mi esqueleto baila, se ataría de nuevo de su traje de carne, su peinado. Salgo a encontrarte a medio camino. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Yeah. puerto se llena de barcos de guerra y una lluvia fina de cenizas cae. Salgo a encontrarte en mi traje de ti. Después 7 años de exilio por haberte tanto, tanto Lassa, para el fin del mundo, el año nuevo. Sur France Inter, dans Autant en emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Fanny Cohen-Moreau, programmation musicale Djoubaka, à la technique, Julia Michel. Hélène Soumet, vous venez d'écouter avec nous donc l'histoire de Catalina de Rousseau, que vous connaissez bien, puisque vous êtes l'auteur d'un livre sur les femmes qui, dans l'histoire, se sont travesties en hommes. Cette histoire est proprement fascinante. Si on la connaît, c'est parce qu'elle a écrit ses mémoires. Mais combien de femmes ont pu vivre cette aventure, à votre avis? Peut-être qu'elles ont été oubliées dans l'histoire, parce qu'on n'a pas su. Oui, effectivement, Catalina a écrit ses mémoires et c'est absolument étourdissant, puisque on ne peut pas résumer son parcours tellement il est riche et époustouflant. C'est un roman picaresque, un oui, peu. Oui, tout à fait. Une sorte de Don Quichotte féminin déguisé en homme. Oui, avec beaucoup de violence. Mais effectivement, en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait à peu près 140 femmes. Il y en a à peu près 140, mais il y en a certainement beaucoup plus. Mais bon, on en a 140 de certaines. Catalina est fascinante pour plusieurs raisons. Bon, elle est bagarreuse, elle aime jouer, elle aime boire, elle tue. Enfin, c'est quand même un sacré personnage. Mais on se demande déjà comment une fille de 15 ans, qui n'avait jamais rien connu d'autre que le couvent, puisqu'elle était enfermée depuis l'âge de 5 ans, on se demande comment, où est-ce qu'elle a trouvé la force d'aller voler les clés du couvent et de s'enfuir. Elle devait déjà avoir un fichu caractère. Oui, un de ses biographes a dit d'elle que c'était dans le couvent que c'était un faucon élevé dans un nid de tourterelles. Donc ça veut dire qu'effectivement elle avait déjà du tempérament. Et puis elle me fait penser à la cosaque Nadejda Durova qui a eu une enfance aussi difficile. Et je pense que la privation d'affection, une femme cosaque Nadejda Durova qui a eu une enfance difficile dans la mesure où elle a été privée d'affection. Bon, ces femmes sont toutes des révoltées. Oui, des révoltées, mais aussi des femmes qui veulent s'accomplir et qui ne renoncent pas. En fait, il y a une aspiration à l'universalité, une aspiration à la réalisation de soi qui est très puissante chez toutes ces femmes. Donc, à toutes les époques, hein, dans votre livre, vous parlez de deux femmes, notamment des saintes, des mystiques, qui ont été aussi contraintes, enfin, pour des raisons diverses, de s'habiller en homme, une certaine Thècle et Pélagie, fameuse chrétienne des premiers temps de l'âge chrétien. Oui, effectivement. Martyr. Là, parce qu'en fait, dans la religion, elles ont voulu échapper à la condition féminine, d'abord, hein, échapper à un mariage forcé. Et rien de tel pour, par exemple, Sainte Vilgeforte qu'une barbe bien fournie pour éloigner tous ses prétendants. Elle mettait une fausse barbe, c'est ça? Non, elle a prié Dieu pour échapper à un mariage forcé et Dieu lui a envoyé une barbe imposante. Ah, Dieu, heureusement qu'il était là. C'est ce qu'on raconte, voilà. Et le prétendant a été immédiatement découragé. Voilà. Il y a aussi des intellectuels, vous le dites dans votre livre, par exemple, le docteur James Barry. Vous pouvez nous raconter cette histoire incroyable? Oui, à 14 ans, elle s'est inscrite à l'université d'Édimbourg et pour faire ses études, en Écosse, on ne pouvait pas être une femme, donc elle s'était déjà travestie. Il y a des choses mystérieuses au départ de cette histoire. Il y a on plusieurs est au 19e thèses. Siècle. Oui, voilà. Ensuite, elle a brillamment réussi ses examens. Elle s'est engagée dans l'armée britannique, de l'Empire britannique. Et là, elle a gravi les échelons jusqu'à être au plus haut grade de l'armée, tout en faisant effectivement beaucoup d'innovations, en ayant un grand soin des malades, en ayant une grande empathie. Elle était extrêmement dévouée, mais très ferme sur l'hygiène et prenant des mesures très drastiques pour que les hôpitaux fonctionnent. On a découvert à la fin de sa vie que c'était une femme. On l'a vu au moment de sa mort, en découvrant son corps décédé. Malgré les consignes qu'elle avait données, elle ne voulait pas qu'on la touche, qu'on la déshabille, qu'on la change. Mais l'infirmière a voulu quand même faire la toilette mortuaire du grand docteur James Barry. Et là, on a découvert que c'était une femme. Et une femme qui avait sans doute accouché. Ce qui est quand même incroyable dans toutes ces histoires, c'est comment ces femmes réussissent-elles à garder le secret sur leur sexe véritable. Ça semble incroyable, par exemple, Catalina de Rauso qui vit au milieu de soldats. Comment fait-elle pour garder ce secret si longtemps? D'abord, on était beaucoup plus pudiques et on ne se déshabillait pas comme ça devant les autres, évidemment. Mais les préjugés aussi les ont protégés. Et puis aussi, chacune a son histoire particulière. Par exemple, le docteur James Barry avait un domestique qui la protégeait. Et puis, comme elle était médecin, qu'elle avait une position très, très éminente dans l'armée, on n'osait pas mettre en cause, pas trop l'approcher, on n'osait pas trop mettre en cause, on n'osait pas, on riait derrière son dos de sa voix de fausset, on riait derrière son dos de des brodequins surélevés qu'elle portait pour avoir l'air un peu plus grand. Voilà, on riait, mais on n'imaginait pas que c'était une femme, parce qu'une femme ne pouvait pas faire d'études, elle était stupide, une femme ne pouvait pas affronter les mers, être sur un bateau, ce n'était pas possible, une femme ne pouvait pas avoir d'initiative. Alors ce qui est étonnant quand même dans l'histoire de Catalina de Rauso, je trouve, c'est la relative tolérance de l'Église catholique à son égard. On entend l'évêque de Guamanga qui écoute avec tolérance son histoire, et le pape qui la reçoit, alors que elle, c'est une femme qui s'est déguisée en homme, qui s'est battue, qui a tué, alors que dans votre livre, vous racontez par exemple l'histoire de Madeleine Pelletier, cette féministe de la fin du 19e, début 20e, qui s'habillait en homme, qui se battait pour le droit à l'avortement notamment, et qui a terminé sa vie dans un asile psychiatrique en 1939. Alors, oui. Est-ce qu'on a l'image d'un 20e siècle plus tolérant et d'un 17e siècle plus intolérant, mais est-ce que finalement c'était vraiment le cas? C'est difficile à dire, mais c'est vrai que dans l'histoire des femmes, on a des périodes où il y a plus de tolérance et d'autres périodes où les femmes sont davantage maltraitées et mal considérées. Mais on remarque quand même que Catalina de Rauso, comme elle s'est échappée d'un couvent, l'évêque l'a quand même mis dans un couvent. Donc il a fallu attendre que le couvent d'où elle était originaire dise qu'elle n'avait pas prononcé ses vœux, sinon elle n'avait pas le droit de sortir. Cependant, c'est vrai que le courage qu'elle a manifesté l'a sauvée. Et aussi le fait que l'évêque l'a fait examiner par des matrones pour prouver sa virginité. Oui, parce si elle n'avait pas été vierge, ça aurait été différent. Si elle n'avait pas été vierge, elle aurait été une fille de mauvaise vie, elle aurait été une perdue pour le salut, enfin, elle aurait donné un très mauvais exemple. Mais là, ça l'a protégée également. Est-ce que certaines de ces femmes qui se sont ainsi travesties en hommes pour gagner leur liberté, est-ce qu'elles y ont perdu la vie? Est-ce qu'elles ont étaient en prison? Est-ce qu'elles ont été condamnées à mort? Est-ce qu'il y en a eu dans l'histoire? Il y en a eu, et bon, il y a Jeanne d'Arc, bien sûr. Et puis, dans l'histoire, dans celle dont j'ai fait le portrait, non, pas particulièrement, mais des femmes soldats qui ont perdu la vie parce qu'on les a découvertes comme soldats, oui, il y en a eu. Il y en a qui se sont fait fusiller parce qu'elles avaient pris l'habit d'homme. Parce que pour la société, comme pour l'Église, c'est une transgression très très grave, qui menace l'ordre établi. Merci beaucoup Hélène Soumet. Je rappelle votre livre Les Travesties de l'Histoire, portrait de femmes qui ont choisi de vivre un homme pour rester libre. Il est publié chez First Edition. Autant en emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi réécouter les émissions que vous avez peut-être ratées, Au nom du peuple ou encore La malédiction de Jacques Pana, un vrai polar avec Lettres anonymes, Secrets de famille et Rite vaudou dans le Lyon des années 30. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à Rome et à Naples au XVIIe siècle dans l'atelier de la peintre Artemisia Gentileschi, artiste géniale, héritière du Caravage, qui à l'âge de 40 ans s'est trouvée soudain confrontée à de vieux démons de son passé. Je recevrai pour en parler l'écrivain Alexandra Lapierre. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.